Exercice 12, page 121. Il se dit qu'un autre que lui, moins familier du web, moins habitué à utiliser les moteurs de recherche pour dénicher la bonne affaire, se serait sans doute arrêté depuis longtemps, épuisé, sans résultat. Pas lui.